Allez, off the tiger. M'entendre en fait. Enfin, quand j'ai parlé avant d'appuyer sur ce bouton, ils m'entendaient. À chaque fois que la barre elle monte là, eux ils m'entendent. Quand elle monte pas, ils m'entendent pas. C'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse, voilà, c'est ça. Allez, go! Mmh.